L'opus fondateur de Sam Raimi. Il fallait bien un réalisateur de sa trempe pour rendre crédible le tisseur et pour prendre quelques libertés améliorant la fluidité du récit, comme la toile organique. On découvre donc un Peter Parker incarné par cette tête à claque de Tobey Maguire, son frère ennemi Harry Osborn et le grand méchant le Green Goblin, le père d'Harry interprété par Willem Dafoe. La meilleure idée de casting ici. Son talent et son faciès particulier le font incarner à merveille ce personnage schizophrène. En dehors du casting un peu trop hype 2000 à mon goût, c'est du tout bon. Beau costume, SFX réussi, musique signée Danny Elfman et un scénario solide qui prend le temps de nous présenter le héros, de creuser le méchant et de poser ses enjeux. Bien sûr, Sam Raimi nous gratifie de superbes plans et iconise à merveille notre serviteur l'araignée. Une mise en bouche 4 étoiles.